22-37, activation orale, dialogue entre Robert et le garçon. Vous allez entendre un dialogue entre Robert et le garçon. Écoutez bien. Vous allez apprendre les répliques du garçon. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Ah, au sous-sol ? Oui, monsieur, au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Maintenant, répétez. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur, les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Ah, au sous-sol ? Oui, monsieur, au sous-sol, en bas, à côté des toilettes, au fond de la salle à droite. Et maintenant, c'est à vous. Vous êtes le garçon. Est-ce que je peux téléphoner ? Ce n'est pas pour les toilettes, c'est pour téléphoner. Je voudrais téléphoner. Ah, au sous-sol. Copyright 1994, Yale University.